Scène 10. Lisette, la duchesse, habillée en domino ouvert, un masque à la main. La duchesse. Ma mère n'est pas là? Que fais-tu donc, Lisette? Lisette. Je savais que madame achevait sa toilette. J'attendais pour entrer qu'on voulût bien de moi. La duchesse. Mais, ma chère, en effet, j'ai grand besoin de toi. Tantôt j'étais souffrante, inquiète, et peut-être j'ai laissé devant toi quelques soucis paraître. Un mot dit au hasard ne doit pas t'occuper. Tu me connais assez pour ne t'y pas tromper. Voici ma main. Oublie un instant de caprice. Lisette baisant la main de la duchesse. Ah, madame! La duchesse. Il s'agit de me rendre un service. Le duc est cette nuit au bal de l'opéra. Je voudrais bien un peu voir ce qu'il y fera. Mais je suis, malgré moi, si triste et si maussade que je n'ai pas le cœur à cette mascarade. Maintenant que les gens me viennent avertir, le courage me manque au moment de partir. Vas-y, Louison, veux-tu? Lisette. Moi, madame? La duchesse. Oui, par grâce. Prends ce domino-là qui m'étouffe et me lasse. Elle lui donne son domino et son masque. Tâche d'entendre un peu, de beaucoup regarder. Si tu vois le duc seul, tu pourras l'aborder, l'intriguer au besoin, sans qu'il te reconnaisse. Mais s'il est en conquête avec quelque déesse, du ciel de l'opéra descendu un moment, tu me comprends, ma chère? Écoute seulement. Lisette. Se peut-il qu'à ce point ce bal vous inquiète? La duchesse. Non, mais vas-y toujours. Reviens bientôt, Lisette. Scène 11. Lisette, seule. Le sort prend-il plaisir à se jouer de moi? Dois-je rester? Partir? Aller au bal? Pourquoi? Et pourquoi pas? Peut-être aurais-je dû tout dire. Comment briser le cœur quand la main vous attire? Non, non, la maréchale est seule à m'accuser. C'est elle seule aussi qu'il faut désabuser. Et jamais un seul mot. Scène 12. Lisette, Berthaud. Berthaud, d'un ton froid. Bonjour, mademoiselle. Lisette. C'est encore toi, Lucas? Eh bien, quelle nouvelle? Et qu'as-tu fait? Berthaud. Je viens prendre congé de vous. Vous voyez un ami, mais non plus un époux. Lisette. Vraiment? Et d'où te vient ce visage tragique? Berthaud. Ne m'interrogez pas. Lisette. Quand on part, on s'explique? Berthaud. Ce n'est pas malaisé. Je sais tout. Lisette. Que sais-tu? Berthaud. Vous l'osez demander? J'ai tout vu. Lisette. Qu'as-tu vu? Berthaud. Vos délits, vos horreurs. Monstre affreux, crocodile, serpent python. Lisette. Et quoi? Jusqu'à cet imbécile? Tout est donc aujourd'hui contre moi déclaré. Ma foi, pour rire un peu, j'ai bien assez pleuré. Berthaud. Vous riez? Vous joignez l'astuce à l'artifice? Lisette, lui faisant tenir le domino. Tiens, Nigo, prends ceci. Berthaud. Que je me travestisse? Lisette. Eh non, c'est pour m'aider. Viens, marchons de ce pas. Berthaud. Où? Lisette. Je te le dirai. Berthaud. Comment? Lisette. Tu le sauras. Scène 13. La duchesse, la maréchale. La duchesse. Oui, madame, je reste, et Louison prend ma place. Le chagrin me poursuit, quelque effort que je fasse. Je lutte en vain, le cœur me manque à chaque pas. Cette pauvre Louison, vous l'aimez, n'est-ce pas? La maréchale. Sans doute. La duchesse. Ai-je mal fait de lui dire ma peine? Puisque j'en souffre tant, j'en veux être certaine. J'étais bien aise aussi de réparer mes torts, car j'ai failli tantôt mettre Louison dehors. Oui, je ne sais pourquoi, cette méchante envie m'a durant tout le jour, malgré moi, poursuivie. Je prenais du dépit contre elle, à tout moment, je l'ai même grondée, et bien injustement. Qu'il est cruel à nous, n'est-il pas vrai, madame, de maltraiter ces gens? De les blesser dans l'âme, eux qui passent leur vie à nous servir ainsi, parce que nous avons un instant de souci. La maréchale. Élisette, en partant, n'a rien dit, je suppose. La duchesse. Non. Est-ce qu'elle avait à dire quelque chose? La maréchale. Elle aurait pu d'abord vous demander pardon. La duchesse. À moi? De quelle faute, hélas? Et pourquoi donc? C'est à moi, bien plutôt, qu'il faut que l'on pardonne. Dès qu'aux soupçons jaloux mon esprit s'abandonne, on ne croirait jamais, madame, à quel excès ils peuvent m'égarer si je leur donne accès. Mille rêves affreux s'offrent à ma pensée. J'ai beau me répéter que je suis insensé, rien ne peut m'en distraire, ils sont plus forts que moi. Ma raison me trahit et se change en effroi. Comme d'un voile épais je suis enveloppé, je me vois méconnu et je me vois trompé. Fâcheuse à mon époux, inutile, ici-bas, je me vois laide. La maréchale, au vrai, l'on ne vous croirait pas. La duchesse, et lui, madame, hélas, c'est bien tout le contraire. Le ciel a pris plaisir à le former pour plaire. De son luxe élégant, si l'œil est ébloui, on croit voir sa parure, et l'on ne voit que lui. Et cet esprit si fin, tant de délicatesse, cette grâce qui semble ignorer sa noblesse, est-ce que j'y vois mal, madame? Et sur ce point, me direz-vous encore qu'on ne me croirait point? La maréchale. Je puis malaisément vous répondre, ma chère, si vous êtes sa femme. La duchesse. Eh bien? La maréchale. Je suis sa mère. La duchesse. Si nous n'étions que deux à le trouver charmant, mais tout le monde l'aime, et c'est là mon tourment. Puis-je, le croyez-vous, garder un cœur tranquille, à le voir comme il est, par la cour et la ville, au milieu d'un fracas de jeunes étourdis, au jeu comme à cheval, passant les plus hardis, poursuivre, en se jouant, de regards infidèles, ces heureuses beautés qui savent être belles? Ah, c'est là que je sens, à mon mortel ennui, combien je dois sembler peu de choses pour lui, combien de qualités ne me sont point données, que peut-être à ma place une autre eût devinée. Et combien il est vrai que, sur un tel chemin, il faudra tôt ou tard qu'il me quitte la main. La maréchale. Je vous l'ai déjà dit, c'est une crainte folle. La duchesse. Oui, j'ai tort de pleurer, c'est ce qui me désole. L'autre jour, par exemple, à ce bal chez le roi, madame de Vercelles a passé près de moi. Vous savez ses grands airs et combien elle est belle. Un flot d'admirateurs murmurait autour d'elle, s'écartant toutefois de peur de la toucher, sitôt que par hasard elle daignait marcher. La maréchale. Oui, c'est une superbe et sotte créature. La duchesse. Un nœud qu'elle portait tomba de sa coiffure. Ces messieurs l'ayant vue, je vous laisse à penser si chacun s'élança, prêt à le ramasser. Le duc fut le plus prompt, mais, au lieu de le rendre, il défia tout haut qu'on s'en vint le lui prendre. Sur quoi cette marquise, au lieu de s'étonner, le prit en souriant, mais pour le lui donner. Je sais bien là-dessus ce que vous m'allez dire, mais je me suis senti pâlir de ce sourire. C'est un jeu, j'en conviens, c'est un propos de bal, tout ce qu'il vous plaira, mais cela fait bien mal. La maréchale. Je ne vous blâme pas d'être un peu trop sensible. Prenez quelque repos, enfant, s'il est possible. Laissez là vos chagrins et la dame aux grands airs. La duchesse. Grâce pour mes chagrins, madame, ils me sont chers. Au couvent, l'an passé, quand j'appris de l'abbesse que j'avais un époux et que j'étais duchesse, le cœur me battait bien un peu, mais pas bien fort. On fit ce mariage, et je n'y vis d'abord qu'un jeune grand seigneur, plein de galanterie, qui me donnait gaiement son nom, son rang, sa vie. Tous ces biens me semblaient si doux à partager que je ne pensais pas qu'un tel sort pût changer. Si c'est là le bonheur, disais-je, il est bizarre qu'à le voir si facile, on le trouve si rare. Mais lorsqu'après un an de ce charmant sommeil arriva par degrés le moment du réveil, quand le duc, fatigué d'une paix importune, rougissant tout à coup d'oublier sa fortune, voulut, en m'entraînant, la rejoindre à grands pas, je compris que si loin je ne le suivrais pas. Alors, prenant pour moi son aspect véritable, apparut à mes yeux ce spectre redoutable. Le monde, ses plaisirs, ses attraits, ses dangers, l'air enivrant des cours et leur bruit passager. Il me fallut tout voir. Alors la méfiance m'enseigna lentement sa froide expérience. Je vis le duc fêté, bienvenu près du roi, joyeux, heureux partout, excepté près de moi. Mon cœur, qui d'un soutien s'était fait l'habitude, pour la première fois, connut la solitude. Puis je devins jalouse, et je me dis un jour, « Ce n'est plus le bonheur que je sens, c'est l'amour. » La maréchale. Qu'est-ce à dire? La duchesse. Oui, l'amour. À l'âge où tout s'ignore, en prononçant ce mot, sans le comprendre encore, on ne voit qu'un beau rêve, une douce amitié, ou d'un commun trésor chacun à la moitié. On croit qu'aimer, enfin, c'est le bonheur suprême. Non, aimer, c'est douter d'un autre et de soi-même. C'est se voir tour à tour dédaigner ou trahir, pleurer, veiller, attendre. Avant tout, c'est souffrir. Elle pleure. La maréchale. Je ne vous blâme point, je vous l'ai dit, Lucille. Vous voulez qu'on vous aime, et rien n'est plus facile. Je vous en prie encore, prenez quelque repos. Je veux, en vous quittant, vous répondre en deux mots. Vous vous imaginez que le duc vous délaisse. Votre tort, c'est la crainte, et le sien, sa jeunesse. Mon fils est vain, léger, frivole en ses discours. Mais s'il aime jamais, il aimera toujours. Et c'est vous, j'en réponds, qu'il aimera, ma chère. Rappelez-vous ceci, que vous dit une mère. Elle l'embrasse. Marton est là, je crois. Je vais vous l'envoyer. La Duchesse. Pas encore. La Maréchale. Adieu, donc. Scène 14. La Duchesse, seule. Restez seule, à veiller. C'est mon rôle à présent. Ah, oh, je me sens brisée. Elle s'assoit sur un sofa. Mon Dieu, quel triste jour! Ma force est épuisée. Louison ne revient pas. Que font-ils à ce bal? Singulier passe-temps que ce plaisir banal. Déguiser son visage et sa voix, pourquoi faire? Si ce qu'on dit est mal, autant vaudrait le taire. S'il en est autrement, à quoi bon s'en cacher? Mais quoi? C'est l'inconnu qu'ils vont tous y chercher. Le sommeil, malgré moi, m'accable. Ma pensée m'échappe, puis revient, puis s'arrête, lassée. Voyons, tâchons de lire un peu. Elle prend un livre, l'ouvre, puis le remet sur la table. C'est encore pire. Un roman, juste ciel. Mes yeux sont assoupis. Quel ennui que l'attente. Elle tire sa montre. Hélas, pauvre petite, je puis du bout des doigts te faire aller plus vite. Je puis briser aussi ton rouage léger. Mais le temps, toi ni moi, n'y pouvons rien changer. Elle s'endort. Scène 15. La Duchesse, endormie, le Duc. Le Duc. Non, l'on ne vit jamais pareille extravagante. Se voir apostrophée au bal, par sa servante. C'est un peu plus qu'étrange. Était-ce bien Louison? Il faut que cette fille ait perdu la raison. Je lui donne ici même un rendez-vous fort tendre. La chose est convenue, elle n'a qu'à m'attendre. J'entre au bal par hasard, et qu'est-ce que je vois? Mon rendez-vous qui passe, et va souper sans moi. Et ce monsieur Berthaud, son chapeau sur la tête, d'un air victorieux promenant sa conquête, devant un poulet froid en train de se griser, m'annonçant bravement qu'il la veut épouser. J'ai fait là, sur mon âme, une belle trouvaille. Morbleu, si de mes jours jamais je m'en canaille, je consens. Qu'est-ce donc? Ma femme, seule ici? Elle dort? Sauvons-nous! Il va pour sortir et s'arrête. Elle est gentille ainsi. Que faisait-elle là? Dort-elle en conscience? Qui sait? J'en veux un peu faire l'expérience. Hé, duchesse! Elle dort et très profondément. Je ne suis qu'un mari, si j'étais un amant. En semblable rencontre, on pourrait, sans mensonge, essayer, comme on dit, de passer pour un songe. Je ne l'ai jamais vue ainsi, mais c'est charmant. Qu'a-t-elle dans la main? Sa montre? Eh oui, vraiment, que fait-elle en dormant d'une chose pareille? On sait l'heure qu'il est, tout au plus, quand on veille. A-t-elle donc veillé ce soir? Par quel hasard? Il regarde à la montre de la Duchesse. 1 heure du matin? On prétend que c'est tard. Veiller? Pourquoi veiller? Pour moi? Bon, quelle idée! Elle avait de ce bal la tête possédée. Son dessein n'était pas de rester à dormir, mais peut-être était-il de me voir revenir. Oui, pourquoi chercherais-je à me tromper moi-même? Si ma femme est jalouse, il faut donc qu'elle m'aime. Je ne lui vis jamais faux semblant ni détour. C'est moi qu'elle attendait, c'est clair comme le jour. Ma foi, je suis bien bon d'aller à l'aventure, chercher sous un sot masque une sotte figure, pour rencontrer en somme à ce triste opéra. Quoi? Rien de ce qu'on veut, et tout ce qu'on voudra? Beau métier d'écouter, au bruit des ritournelles, trois morceaux de carton jasant sous leur dentelle, de me faire berner par Javotte ou Louison, quand la grâce et l'amour sont là, dans ma maison. Faut-il que nous ayons la cervelle assez folle pour fuir ce qui nous plaît, nous charme et nous console, pour chercher le bonheur où son ombre n'est pas, et lui tourner le dos quand il nous tend les bras? Pauvre duchesse, hélas, si jeune et si jolie, avec sa patience et sa mélancolie, je devrais l'adorer. Mais non, je vais plutôt me faire obscurément le rival de Berthaud. Quelle pitié, grand Dieu, quelle pauvreté d'âme! Il est de mauvais goût d'oser aimer sa femme. Les bavards sont fâchés si l'on ne vit comme eux, et l'on est ridicule à vouloir être heureux. En ce moment, la duchesse s'éveille, puis écoute, en feignant de dormir. Et quoi? Suis-je donc fait pour suivre leur méthode? Je puis mettre un chiffon, une veste à la mode, pour une broderie, on se règle sur moi, et dans mon propre cœur, les sots me font la loi. Si je voulais pourtant, quoi qu'ils en puissent dire, en leur montrant ce cœur, les défier d'en rire. Oui, l'on peut, quand on hait, cacher la vérité. Renier ce qu'on aime est une lâcheté. Si j'osais les braver et m'en passer l'envie, leur dire « Je suis là, de votre sotte vie. J'ai, dans votre cohue, erré jusqu'à ce jour, mais la honte m'en chasse et me rend à l'amour. » Que me répondraient-ils, ces roués en peinture, s'ils voyaient cette belle et noble créature m'accompagner, et moi la couvrant en chemin, de mon manteau d'hermine, une épée à la main? Si je leur disais, cette fière duchesse, c'est ma sœur, mon enfant, ma femme et ma maîtresse. Ma vie est dans son cœur, ma place est à ses pieds. Il se met à genoux, la maréchale paraît dans le fond de la scène. La duchesse, dans mes bras, mon ami. Le duc, comment, vous m'écoutiez? La duchesse, valait-il mieux dormir? Le duc, à la maréchale, et vous aussi, ma mère, j'ai donc parlé bien haut? La maréchale, valait-il mieux vous taire? Le duc, non, je me croyais seul, et je rends grâce aux cieux d'avoir eu pour témoin ce que j'aime le mieux. On entend rire dans la coulisse. Qu'est-ce ceci? La duchesse. C'est Louison. Le duc. Que Dieu la tienne en joie. Vous savez qu'elle part? La duchesse. Non pas. Qui la renvoie? Le duc. Elle-même. Elle vient ce soir à l'opéra de tout me déclarer, jusqu'au mari qu'elle a. Et tenez, les voici. Scène 16. La maréchale, la duchesse, le duc, Louison, Berthaud. La maréchale. Que nous dit-on, Lisette? Vous voulez nous quitter sans qu'on vous le permette? Lisette. Je venais demander cette permission. La maréchale. Vous épousez, monsieur? Le duc. C'est une passion. Berthaud. Oh oui. Lisette. Non, monseigneur, ce n'est qu'un honnête homme, fils d'un de vos fermiers. Berthaud à la duchesse. Oui, madame, on me nomme. Lisette. Tais-toi. Berthaud. Pourquoi donc faire? On me parle. Lisette. Tais-toi. La duchesse à Lisette. Il n'est pas beau, Louison. Lisette à la duchesse. Il l'est assez pour moi. Le duc. Parbleu, monsieur Berthaud, vous ne vous gênez guère de venir à Paris braconner sur nos terres et nous ravir ainsi les cœurs en un moment? Vous êtes un fripon. Berthaud à Louison. Ce seigneur est charmant. Le duc. Et votre poulet froid, sans compter la bouteille, vous vous en trouvez bien? Berthaud. Monseigneur, à merveille, je... Lisette. Tais-toi donc. Berthaud. Encore, toujours se taire ici, je me rattraperai chez nous. Lisette à la maréchale. Et vous aussi, madame, riez-vous de mon futur ménage? La maréchale, l'attirant à part. Non, Louise, j'ai compris, et je vois ton courage. Si j'ai peine à présent à te laisser partir, tu n'auras pas du moins lieu de t'en repentir. Ta dot, bien entendu, me regarde, et j'espère rendre aussi ton retour agréable à ton père. Quant à ton prétendu, Lisette, vous m'avez dit tantôt de trouver un prétexte. Le duc, allons, monsieur Berthaud, aimez bien votre femme, elle est bonne et jolie. C'est encore, ici-bas, la plus sage folie. Fin de Louison. Cette comédie a été écrite pour le Théâtre français qui en donna la première représentation le 22 février 1849. L'auteur avait compté sur Mademoiselle Mante pour le rôle de la maréchale, mais au moment où les répétitions commençaient, cette grande actrice était déjà atteinte de la maladie à laquelle elle devait succomber. La pièce, accueillie avec faveur, fut cependant traitée fort sévèrement par la critique. C'est à quoi le poète fait allusion dans le sonnet adressé à Mademoiselle Anaïs, qui avait joué le rôle de Louison avec beaucoup de talent. Fin de Louison d'Alfred de Musset.